La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ces conversations qui continuent aujourd'hui autour de l'écrivain Emmanuel Carrère dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal et Youtou Diego Hack Lopez. Fils d'Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et d'un cadre supérieur, Emmanuel Carrère a grandi dans le 16e arrondissement de Paris avant de devenir, comme il le dira lui-même, un bobo du 10e. Ses origines, elles sont géorgiennes par son grand-père qui avait émigré en France sans y trouver réellement sa place et qui sera assassiné à la Libération pour avoir collaboré avec les Allemands. La biographie d'Emmanuel Carrère, nous l'avons évoquée lundi lors d'une émission introductive, c'était avec Angie David et Christophe Reg. Depuis L'Adversaire, ce livre paru en 2000 et qui portait sur l'affaire Roman, le principe d'écriture d'Emmanuel Carrère a radicalement changé, passant de la fiction à une forme élaborée de journalisme narratif où le jeu est très présent. C'est ce que nous a expliqué hier Laurent Demanze dans une émission à retrouver, comme toutes les autres, en podcast. Enfin, demain, avec Frédéric Boyer et Alain Romestin, nous parlerons de la place de la religion chez celui qui est l'auteur du Royaume et le traducteur de l'Évangile selon saint Marc. Et aujourd'hui, aujourd'hui sur la question du rapport qu'Emmanuel Carrère entretient avec la Russie, nous sommes en compagnie de Nathalie Frolov, professeure à l'université François Rabelais de Tours, actuellement en détachement en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris et auteure de l'article intitulé « Un roman russe est-il un roman russe ?» paru dans l'ouvrage collectif Emmanuel Carrère, le point de vue de l'adversaire, publié en 2016 aux éditions Presse Sorbonne Nouvelle. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter justement un extrait de ce roman russe. J'ai fêté mes 43 ans pendant le montage. Ce jour-là, le 9 décembre 2000, ma mère m'a dit « Tu sais, cela me fait drôle, tu as atteint l'âge de mon père, comme on dit l'âge du Christ, sous-entendu celui de sa mort. » Je n'ai pas réagi sur le moment. Puis j'ai regardé les notes que depuis quelque temps je rassemblais sur mon grand-père. Il est né à Tiflis, aujourd'hui Tbilissi, le 3 octobre 1898. Nul ne sait ni ne saura jamais quand il est mort, mais il a disparu à Bordeaux le 10 septembre 1944, peu avant d'atteindre l'âge de 46 ans. J'ai pensé que ce lapsus comptable de ma mère me fixait un délai. J'avais presque 3 ans devant moi, jusqu'à l'automne 2003, pour donner à ce fantôme une sépulture. Pour cela, il fallait que je réapprenne le russe. Dire que j'ai parlé russe enfant serait excessif, mais je l'ai entendu, j'ai baigné dans cette langue, et il m'en est resté un accent que mes interlocuteurs s'accordent à trouver excellent. À la première phrase, on croit que je parle couramment. Cette première phrase est souvent « Я очень плохо говорю по-русски ». Je parle très mal russe, et comme je la prononce très bien, elle passe pour une coquetterie. Dès la seconde, force est de me donner raison. J'ai fait du russe au lycée, j'étais nul, et pendant 20 ans, je n'ai plus voulu y penser. Le russe et la Russie étaient le territoire de ma mère. Je préférais ne pas aller de ce côté-là. Bonjour Nathalie Frolov. Bonjour. Alors il y a quelques semaines, les auditeurs s'en souviennent peut-être, vous étiez venu évoquer ici l'écrivain Valérie Larbeau. Vous revenez donc nous parler d'Emmanuel Carrère. On peut difficilement imaginer deux écrivains plus différents que ces deux-là. Oui, très différent. Et en même temps, c'est vrai que Larbeau était aussi un grand voyageur. Bon, peut-être il y a cette... Pas le même genre de voyage. Oui, pas du tout le même genre de voyage, c'est vrai. Oui, voilà, il n'a pas été aussi loin que Kotel Nietzsche. En fait, s'il y avait, je dirais, un passage entre les deux, en fait, c'est par Annie Ernaux. Puisqu'en fait, Annie Ernaux, donc comme j'en avais parlé justement il y a un mois et demi, avait écrit un très bel article sur Larbeau, sur les enfantines. Et c'est vrai que la lecture d'Annie Ernaux m'a ensuite menée à celle de Carrère, hein, qui s'y réfère beaucoup, comme Laurent Demanze en parlait hier chez vous. En tous les cas, il a sûrement lu Emmanuel Carrère, Valérie Larbaud, puisque c'était, c'est un grand lecteur. Oui. Et pour caricaturer, on pourrait dire que leur différence tient à ce que d'un côté, on a des petits objets de prose française chez Valérie Larbaud, et de l'autre côté, on a une grande machine narrative qui serait du côté de la Russie. Oui, alors effectivement, c'est une très grande différence et j'y ai réfléchi justement récemment. C'est vrai que Larbaud, son ambition était d'écrire court, car il avait le sentiment que dans les années qui allaient suivre, en fait, son œuvre, sa disparition, on ne serait plus lu si on écrivait des très longs textes, qu'ils soient des romans, des récits. Et en fait, quand on regarde les différents livres de Carrère, il y a une amplitude petit à petit, comme si, d'une certaine manière, il me semble que Carrère souhaite rejoindre en fait les grands romans russes du 19e siècle, qui supposent une amplitude qu'on retrouve aussi bien dans un roman russe que dans Limonov, Le Royaume aussi. Enfin, Le Royaume, ça fait 500 ou 600 pages. Et j'ai l'impression que c'est très intéressant, cette amplitude. Au contraire, c'est justement ne pas écrire court, alors que par ailleurs, il a été journaliste, il maîtrise cette forme courte qu'est l'article, qui a ses contraintes. Et là, au contraire, il se laisse aller à cette amplitude qui, je pense, est peut-être un aspect russe, de son œuvre. Peut-être qu'il se le permet aussi, car le succès lui est déjà venu et qu'il n'a plus besoin de faire comme disait Valérie Larbaud, c'est-à-dire des livres plus courts et donc qui se lisent d'une certaine manière plus facilement. C'est vrai que Le Royaume est tout de même un gros livre qui ne se lit pas toujours aussi facilement que ses livres précédents. Oui, mais je pense aussi que ce point de bascule qu'est l'adversaire, hein, en fait, où effectivement apparaît ce jeu comme témoin, comme enquêteur, qui est donc ce moment où il passe de la fiction à la non-fiction, effectivement reste encore un récit assez bref. Hein, c'est vraiment après quand même un roman russe, on a déjà 400 pages, enfin Limonov on en a 500, enfin l'amplitude effectivement, je ne sais pas si c'est lié au succès. Je pense que là, pour moi, c'est vraiment un aspect russe, un plaisir d'écrire, voilà, et qui se voit et qui, en fait, que l'on éprouve à la lecture. Alors vous-même, vous vous êtes intéressé justement à cette partie russe. Peut-être que votre patronyme nous donne une indication sur la raison pour laquelle vous êtes intéressé à cet aspect-là chez Emmanuel Carrère. Et vous avez écrit cet article, notamment, qui s'appelle « Un roman russe. Est-il un roman russe ?» Alors, la réponse est peut-être dans la question. Alors, j'aurais pu intituler aussi, bien sûr, ceci n'est pas un roman russe. Hein. Voilà, parce que c'est effectivement le titre est de fait déceptif, mais il invite à la lecture. C'est vrai quand on voit un roman russe sur cette belle page de couverture de chez POL, on est attiré parce qu'on pense au grand roman russe. Là, vraiment, le roman russe à la Tolstoï, à la Dostoïevski, tels qu'ils ont pu inspirer, en fait, tous les écrivains français, je pense en partie, effectivement, aux écrivains de la NRF, qui, tel Gide, vraiment s'est référé à Dostoïevski. Vraiment, c'était vraiment pour lui une influence majeure. Hein, il s'en est réclamé. Il n'était pas le seul, d'ailleurs, à NRF à en parler. Comme si après, on ne pouvait plus écrire après Dostoïevski, d'une certaine manière. Donc, voir ce titre, un roman russe, hein, ce serait comme sur... dans une bibliothèque, on choisirait un roman russe au hasard et on aurait celui-ci. Mais ce n'est pas du tout une fiction, ce n'est pas un roman et ce n'est pas russe, puisque ce n'est pas écrit en russe. Donc, en fait, le titre, d'une certaine manière, est un trompe-l'œil. Donc, c'est du Magritte, alors. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un roman russe. Mais c'est quand même un roman russe. Ouais. C'est tout de même parce qu'il y a des aspects. Il y a, en tout cas, de sa part, et c'est un récit vraiment complexe qui entremêle plusieurs fils narratifs et qui, je trouve, rejoint par ce foisonnement même de récits entremêlés le caractère de certains romans russes, je trouve qu'une des références, à mon sens, ici centrale, c'est sans doute l'idiot Dostoïevski, par la manière dont, à un moment, il va commencer à se comporter avec la femme qu'il aime, qui pourrait nous faire penser, peut-être, hein, ce n'est pas indiqué hein, dans le texte lui-même, dans le récit lui-même, à Rogojin face à Anastasia Philipovna, dans une relation d'amour-haine, ni avec toi, ni sans toi. Que l'on va avoir ici parmi les différents fils narratifs. Donc il y a une unité dans le livre qui est évidente, mais c'est une unité qui est brisée parce que l'histoire, elle est en vérité constituée de trois récits qui sont entremêlés, enchâssés. Oui, à la relecture, ça m'a vraiment frappée, parce que là, c'est la troisième fois que je le lis. Je l'ai lu à sa sortie, pour le colloque et là, pour votre émission. Il y a vraiment une structure extrêmement, je dirais, juxtaposée, paratactique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chapitres, mais qui s'arrêtent à chaque fois brutalement et qui, en fait, reprend un fil qui avait été interrompu. Il n'y a pas de liaison. Donc, d'une certaine manière, c'est au lecteur lui-même d'essayer de trouver les liens. Lui-même donne des indices, c'est-à-dire que lui-même fait des commentaires véritablement métatextuels, c'est-à-dire sur la manière, pourquoi il a, ce qu'il essaye de faire en fait dans ce récit, il essaie de nous donner des indications tout en nous disant que c'est très difficile. Mmh. Le premier fil narratif part en fait d'un article que Télérama lui a commandé, qui va être publié. Et qu'on va retrouver ensuite dans son livre, il est avantageux de savoir où aller, ou qui reprend effectivement tous ces articles de journaux. Donc cet article de Télérama qui va être public, un article assez long, qui a été commandé par un ami qui travaille donc à Télérama sur un Hongrois, une histoire vraiment incroyable, hein, d'un homme qui en fait donc était dans son village à 19 ans. La Wehrmacht arrive à la fin de la guerre en 44. C'est pas très clair si en fait il est capturé par la Wehrmacht ou si de lui-même il s'enrôle. Il est enrôlé, on sait pas trop. Vraisemblablement, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Oui. Il se laisse un petit peu porter. C'est ça. Par il y a un de ses amis qui raconte ça et qui dit que dans les faits, lui-même était plutôt, il était plutôt quelqu'un qui disait plutôt non et que effectivement, ce Andrash Thomas, tel est son nom, lui était se laissait un peu porter. Donc on ne sait pas trop. Il est donc en fait, il part avec la Wehrmacht et il va être ensuite capturé par l'armée rouge, qui va l'envoyer tout d'abord dans un camp de prisonniers, puis, sans doute parce que le camp de prisonniers déborde un peu aussi, il est envoyé dans un hôpital psychiatrique à Kotelnitch, où il va rester quasiment 55 ans, ne parlant que hongrois. Ou d'abord, il va se révolter Il se révolte et c'est très étonnant puisque quand Emmanuel Carrère va donc faire son enquête, il va aller à Kotelnitch dans ce premier voyage pour justement envoyé spécial, aller regarder justement. Il faut un petit peu s'occuper parce qu'en fait le Hongrois va finalement être rapatrié en Hongrie. Donc il faut attendre un peu 2 semaines. Donc pour s'occuper avec sa petite équipe légère, là son caméraman et puis le preneur de son, en fait ils vont aller justement à Kotelnitch et là, il voit, il visite l'hôpital psychiatrique, il rencontre les médecins. Tout le monde a l'air de trouver vraiment normal cet homme resté ainsi, 55 ans, ne parlant que hongrois, qui s'est révolté 10 ans et qui, au bout de 10 ans, du jour au lendemain, est devenu ce qui est dit dans le texte et ce qui est aussi dit ensuite dans le reportage pour Envoyé spécial, stabilisé. Mmh. Stabilisé, donc il est calme. Et cela correspond... Comme s'il avait refusé, ou plutôt même accepté l'idée qu'il n'allait plus jamais rentrer en Hongrie. Que c'était terminé, qu'il allait rester là. Ce qui est très étonnant, en fait, c'est qu'au même moment en Hongrie, cela fait exactement 10 ans que Andrash Thomas a disparu. Et au bout de 10 ans, on considère, pour un petit peu, je dirais, apaiser en quelque sorte les familles, qu'elles puissent, non pas rendre un hommage aux morts, puisque de toute façon, il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de tombe, mais en tout cas, on décide que ceux qui sont disparus sont morts. Et sa famille, là, un frère, une sœur, reçoivent en fait le papier disant qu'il est mort. Mmh. Et au même moment, à Kotelnitch, c'est le moment en fait où il a été écrit sur un papier ailleurs, donc en Hongrie, qu'il est mort, et donc il est mort. C'est ce qu'écrit Carrère. Donc ça, c'est la première histoire. On a l'impression que ça va être le centre du livre, mais on se rend compte assez rapidement qu'il va y avoir 2 autres fils narratifs. Le premier, c'est la quête du grand-père. On a beaucoup raconté déjà, je crois, l'histoire de ce secret de famille, notamment dans l'émission de lundi dernier. Et puis l'échec amoureux du narrateur, qui est donc Emmanuel Carrère, avec cette jeune femme qui s'appelle Sophie, et qui forme le troisième fil narratif. Oui, parce qu'il rencontre donc cette femme Sophie presque au moment où effectivement il part pour Kotelnitch et on lui a demandé cet article. Il va aussi faire tourner ce documentaire et à Kotelnitch en Russie et en Hongrie. Et documentaire qu'on peut voir en fait puisque c'est un des bonus du DVD de Retour à Kotelnitch qui est vraiment un documentaire de 52 minutes pour Envoyé spécial. Donc il rencontre Sophie exactement à ce moment-là et ce fil narratif s'entremêle, je dirais, parce que la chronologie, il y a une concomitance de cet événement. Sophie qui manifestement ne fait pas partie du même milieu social que lui, qui semble lui reprocher ou c'est lui qui le lui reproche. En tout cas, leur relation est un peu complexe dès le début, mais ce qui est très frappant, c'est que je dirais qu'un roman russe, ça serait parfait de prêter ce récit à quelqu'un qui veut savoir ce que c'est que de rater complètement une relation amoureuse. C'est un ratage de bout en bout, et c'est ce qui est décrit. Et ce qui est décrit, c'est qu'il en a conscience, d'une certaine manière, ce qui est terrible. Alors, ce qui est intéressant sur le du point de vue du dispositif, Nathalie Frolov, c'est que c'est un livre qui sort de ses frontières parce que il est fait à partir d'un tournage de film. Il y a donc un film qui existe à côté du livre et qui rentre aussi dans le livre. Et puis, il y a aussi de l'intertextualité avec un article du Monde, une nouvelle du Monde, enfin les deux d'ailleurs, une nouvelle puis des articles qui sont racontés dans le livre, mais qui existent aussi dans le journal. Donc, c'est un livre qui explose un peu dans toutes les frontières. Oui, qui explose les frontières dans tous les sens. C'est vrai que je trouve que lorsqu'on ne lit que le livre, qu'on n'a pas vu ni Retour à Kotelnitch, ni effectivement ce documentaire de 52 minutes sur Andraj Toma, qu'on n'a pas non plus vu effectivement les articles du Monde, il y a un article du Médiateur, il y a les journalistes eux-mêmes qui sont venus, il nous manque quelque chose. Il faut aller en quelque sorte compléter, donc à nous, lecteurs, de devenir aussi en quelque sorte ceux qui vont partir à l'aventure pour voir ce qui s'est passé. Alors on reviendra sur cette nouvelle puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord je voudrais qu'on entende un petit peu justement de ce roman russe et on va comprendre peut-être qu'il y a un quatrième fil sous-jacent dans ce livre. Le pli est pris, maintenant je continue à écrire en russe. Mal, mais en russe. Ce que j'écris au début reste un journal, mais il s'y mêle bientôt des récits de rêves, des souvenirs d'enfance, des notes sur mon grand-père, des choses qui remontent de très loin à la surface et que je n'aurais pas pu, je pense, écrire en français. En russe, je n'écris pas ce que je veux, mais ce que je peux. Ma pauvreté vient à mon secours. Je ne me demande plus quoi écrire, mais comment. Bâtir une phrase qui se tienne, je trouve ça déjà beau. Et j'aime l'écrire à la première personne du singulier, « в первом лице единственного числа », dans le premier visage du chiffre unique. J'adore cette expression. Il me semble, grâce aux Russes, que se découvre à moi mon premier visage. Mon ami Pavel me raconte une histoire juive. C'est Abraham qui supplie Yahvé. « Yahvé, Yahvé, je voudrais tellement un jour gagner à la loterie. Je t'en supplie, Yahvé, je t'en conjure, je te demande depuis tellement longtemps. Accorde-moi ça, juste une seule fois et je te demanderai plus rien. Yahvé, fais que je gagne à la loterie. » Il pleure, il est à genoux, il se tord les mains. Finalement, Yahvé surgit de la nuée et dit « Abraham, je t'ai entendu, je veux t'exaucer. Mais je t'en prie, toi, donne-moi une chance, rien qu'une fois dans ta vie, achète un billet. » Moi qui demande sans cesse à être délivré, je me dis qu'écrire en russe, c'est acheter mon billet, donner une chance à Dieu de me sauver. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Emmanuel Carrère. Avec vous, Nathalie Frolov, Emmanuel Carrère, qui lisait à l'instant en archive un extrait de son roman. Et on comprend dans cet extrait que le quatrième fil narratif, celui qui n'est pas expressément indiqué, c'est cette décision d'Emmanuel Carrère de se remettre à apprendre le russe, Nathalie Frolov. Oui, alors ça, c'est son histoire personnelle. Il essaie d'expliquer son rapport à la Russie. Il dit « ce n'est pas le pays de ma mère ». Mais c'est le pays de la langue en elle fait, qu'elle parlait. Elle Russie, n'est pas née en Russie, mais c'est la langue qu'elle a parlé jusqu'à 4 ans. Il raconte cette anecdote qui est assez drôle, qui est en tout cas émouvante, d'Hélène Carrère-Dancos, enfin la future Hélène Carrère-Dancos, qui effectivement, jusqu'à 4 ans, n'aurait parlé que russe, alors qu'ils habitaient à Meudon, qu'ils prononçaient Miedonsk, et que la marque était à côté Kliemart. Bon. Et effectivement, elle ne parlait que russe jusqu'à ce qu'à un moment, son père, avec une amie, l'emmène en Bretagne et que d'un seul coup, elle découvre qu'elle n'habitait pas en Russie. Et puis, elle s'est mise à parler le français. Du jour au lendemain, elle est revenue, elle parlait français. Et lui-même a parlé russe petit, puisque ses parents, à un moment, ont pris une sorte de nounou. C'est plus qu'une gouvernante, c'est la Nyanya, que lui, il va appeler Nana. Une sorte de grande princesse tzigane qui a vécu une vie d'aventure. Et qui arrive, en fait. Alors, c'est étonnant parce que cette fois, au moment où il raconte cet épisode, il n'emploie pas un mot russe, mais il raconte que sa mère, quand elle ouvre la porte face, donc, à cette nana qui est recommandée par les petits-enfants de la famille Tolstoï, ce qui est aussi très, très romanesque, quand elle arrive, elle dit, mais on aurait dit une vieille sorcière, et là, il aurait pu parler de Baba Yaga. mais c'est pas un mot qu'il emploie. Donc, elle ressemble à une sorte de Baba Yaga. C'est, voilà, comme ça, cette ancienne princesse tzigane, magnifique, qui a chanté dans les cabarets russes, bien sûr. Et il raconte très rapidement qu'elle, elle lui chante une berceuse, ou bien sa mère lui a chanté une berceuse. Cette berceuse, elle est récurrente, et en particulier dans Retour à Kotelnitch, elle rythme le film. C'est absolument magnifique, c'est une très belle berceuse cosaque dont les paroles sont de Lermontov, hein, qui est très célèbre. Hein. C'est vraiment, c'est pour endormir l'enfant dont le père est à la guerre et qui lui-même va connaître le même destin. Donc, en fait, berceuse assez horrible d'une certaine manière, mais qui est là pour apaiser le petit garçon qui est en train de s'endormir. Donc, cette ancienne princesse Tzigane arrive, et en même pas deux pages, il nous raconte qu'effectivement, il parlait russe avec elle, mais il raconte aussi, il dit surtout, mais je l'ai tué. Mmh. Il raconte, en fait, qu'enfant, il y avait du bruit, manifestement, elle était fatiguée, il l'aurait poussée, elle serait tombée raide, hein, aurait passé une semaine à l'hôpital et serait morte. Bon. Ses parents ensuite racontent une autre histoire qu'il juxtapose, mais il a le sentiment d'avoir tué cette femme, ce qui, d'un seul coup, est pour moi, je dirais, un des éléments à valeur proleptique, c'est-à-dire annonciateur de la suite. Il y a beaucoup de morts dans un roman. Il y a tout de même beaucoup de morts, effectivement, et puis certains morts avec sépulture, d'autres des morts dont on n'ouvre pas les cercueils, ce qu'on apprend dans Retour à Kotelnitch, qui n'est pas dans un roman russe. Effectivement, il y a vraiment quelque chose de très violent et où lui-même a le sentiment aussi qu'il tue les gens, qu'il va tuer sa mère avec ce livre, qu'il va tuer Sophie. La mort est omniprésente. On pourrait croire que c'est un roman léger qui va parler d'amour, d'un échec amoureux, qui peut être un récit de filiation. Mais il y a une douleur, une souffrance qui s'exprime ici qui, me semble-t-il, n'est pas dans ses autres livres. Donc la Russie est liée avec cette idée de la mort, Nathalie oui, Frolov. Je pense qu'il y a cette mélancolie. Il parle de l'âme russe. Cette mélancolie très présente chez Dostoïevski, mais aussi chez Tolstoï. Il se rêve, il l'indique à un moment, justement, dans un de ses articles, justement, de journaliste, où il indique à un moment, il a décidé de relire tout Balzac. Et il explique qu'il aime beaucoup lire Balzac, c'est bien, mais en fait, il préfère le personnage de Balzac lui-même. Mmh. Il trouve qu'il est plus intéressant. Il dit, ce n'est pas comme Tolstoï. Tolstoï, je peux relire Guerre et Paix de manière vraiment très régulière. J'adore Pierre Bezoukhov, c'est mon ami. Et il dit que la dernière fois qu'il l'a relu... Ça, tous les Russes le disent à propos de ces personnages de Tolstoï. Ah, je ne sais pas, parce que Guerre et Paix reste quand même... Ça reste un roman très étonnant. Mais bon, Pierre Bezoukhov, qui n'est pas forcément le personnage le plus extraordinaire au début, me semble-t-il, on rêve un peu... Alors peut-être que c'est moi qui parle, hein, on rêve un petit peu devant le prince André, magnifique, intransigeant, splendide, qui part, qui revient... Et qui ne revient plus. Et bon, Pierre Bezoukhov a l'air un petit peu placide et pas forcément passionnant à côté. Mais alors, pour revenir sur cette idée qu'il va donc apprendre à reparler russe, pour évidemment retrouver cette enfance perdue, plus cette enfance d'ailleurs que ses origines, parce que en réalité, sa mère, on l'a dit, n'est pas née en Russie. Il ne s'intéresse pas tellement finalement à l'histoire de ses ancêtres, qui sont pourtant des ancêtres prestigieux en Russie. Donc ce qui l'intéresse, c'est vraiment la langue. Et sa patrie, son territoire, c'est la langue, et c'est même peut-être pas tellement la langue russe telle qu'elle se parle aujourd'hui en Russie. C'est une espèce d'ancienne langue qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui. Oui, alors il évoque cette expression de sa mère, mais que je dirais beaucoup de Russes qui vivent en France maintenant, pour certains depuis longtemps, utilisent tous, qui est l'expression de « joli russe ». Sa mère parle un joli russe, elle trouve que lui-même parle un joli russe, qu'il a l'accent, comme de manière naturelle. Et effectivement, je dirais que les Russes qui vivent maintenant parlent tous. Non, ils n'ont pas un joli russe. Alors, il ne dit pas un russe laid ni rien. Mais en tout cas, ce n'est pas le même russe. Mais c'est un russe d'ancien régime, ce joli russe? C'est un russe d'ancien régime. C'est un russe qui n'existe plus. Ça serait un russe, on pourrait dire, presque littéraire. Mais c'est aussi une question d'accent. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Et lui-même, en parlant de ce joli russe et en essayant d'écrire à Kotelnitch, en tenant des cahiers en russe, au départ pour masquer en fait dans son journal ce qu'il a à écrire, puisqu'effectivement il va rencontrer une jeune femme avec qui il a une aventure, et il ne veut pas qu'ensuite en rentrant à Paris, Sophie puisse tomber sur ce journal et l'apprendre. C'est la raison au départ pour laquelle il se met à écrire en russe, et il éprouve un vrai plaisir qui est sensuel. Mmh. Il dit très clairement à un moment qu'il n'a jamais eu ce rapport sensuel à la langue française. Ah bah, la sensualité, on la trouve partout dans un roman russe. règne dans l'appartement une quiétude conjugale qui rend la situation beaucoup plus sexy pour moi que si nous nous étions rués l'un sur l'autre quand j'ai ouvert la porte. Nous savons tous les deux ce qui va se passer. Quand elle aura fini son article, elle cliquera pour fermer le fichier. Le portable émettra un petit jingle de revoir et elle viendra tranquillement me rejoindre sur le lit. Je l'attends sans impatience. J'ouvre mon carnet, reprends mon journal. Mais au bout de quelques lignes, une pensée me met mal à l'aise. J'imagine Sophie lisant ce journal et tombant sur ce passage, je risque d'en entendre parler longtemps de la petite Galia. Alors je fais quelque chose dont je ne soupçonne pas encore l'importance. Ce que je viens de raconter là, je me mets à l'écrire en russe. J'écris « Ivot, Galia pishet statyu v salonie, a ya v komnate yeyo zhdu, i my skoro budem zanimatsya lyubey. » Et voilà, Galia a écrit son article au salon, et moi je l'attends dans la chambre et nous allons bientôt faire l'amour. En la tenant dans mes bras, je ressens ce que doit ressentir un nageur qui se baigne pour la première fois dans la mer morte, un changement de densité. Son corps de basketteuse est si incroyablement ferme que j'ai l'impression d'étreindre une statue. Sauf qu'elle est en même temps chaude, vivante, très tendre. Tout ce qui suit est délicieux, mais le plus délicieux pour moi, ce sont ces mots. C'est la première fois que je fais l'amour en russe, que j'entends une fille jouir en russe. Les sons qui sortent d'elle me bouleversent. Je lui dis ma gratitude qui lui fait plaisir. Au bout de 2 jours, cependant, je suis ainsi fait que je me sens coupable. Galia et moi nous promenons en nous embrassant gentiment au bord de l'étang du Patriarche, là où se passe le premier chapitre du Maître et Marguerite, quand je la fais asseoir sur un banc et lui tient tout à trac un petit discours vertueux sur le fait que je vis en France avec une femme et que pour cette raison, notre histoire si charmante et agréable n'a pas d'avenir. Elle me regarde comme si j'étais devenu fou. « Moi aussi, dit-elle, j'ai un petit ami, mais il était aux États-Unis, ta femme en France, ils n'ont aucune raison de le savoir, ça ne leur fait aucun mal et à nous, ça nous fait plaisir. Où est le problème ?» J'admire sa santé morale, mais je répète que pour moi, c'est plus compliqué que ça et comme un imbécile, je romps. Si attirant que soit son corps trop ferme et ses douces obscénités en russe, je préfère regarder la photo de Sophie. Ça, c'est une bonne illustration, Nathalie Frolov, de la sensualité de la langue russe. Oui, effectivement, par cette rencontre. Vous aurez effectivement aussi remarqué la référence intertextuelle ici au Maître et Marguerite. Il y a donc un environnement, je dirais, littéraire. Il y a cette langue, il y a cette rencontre. Il y a aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette culpabilité qui le prend d'un seul coup, que je trouve très russe. Mm-hmm. Les Russes disent toujours, très souvent, qu'en fait, ils sont nés coupables. Donc ça me semble justement très russe, même si après, il donne au contraire des arguments très rationnels, très cartésiens, pour montrer qu'il est très français, mm-hmm. en essayant de prendre une distance. Donc cette histoire d'amour, alors pas celle dont il est question dans l'extrait, ça c'est juste une histoire en passant, une aventure, mais la vraie histoire d'amour, celle qui donne la culpabilité à Emmanuel Carrère, c'est avec Sophie. Et pas mal plus loin dans le récit, il va vouloir lui offrir une déclaration d'amour, il va vouloir offrir cette déclaration en public et à travers le journal Le Monde. Et cette histoire de nouvelle érotique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, vous fait penser justement à un livre de Tolstoï, Le journal d'un fou. Pour quelle raison, Nathalie Frolov ? Parce que, en fait, à l'origine, cette nouvelle, enfin, oui, c'est une nouvelle qu'il veut lui offrir. C'est une commande du Monde qui, pour une série comme d'été. Souvent, voilà, pour une série d'été qui normalement est autour du voyage. Alors, ce qui est un petit peu, je trouve dommage, c'est qu'on ne sait pas dans un roman russe, on n'a pas le vrai titre mm-hmm. qui est donné à la nouvelle. C'est un très joli jeu de mots qui est l'usage du Monde. Il reprend bien sûr le titre de Nicolas Bouvier, qui semble donc inscrire cette nouvelle dans un récit de voyage, Le Monde étant ici le journal. Donc il y a un joli jeu de mots. Le titre n'est pas repris ici. Et cette nouvelle est en fait, c'est un récit érotique qui s'adresse directement à Sophie. Il veut juste en fait décider de la date de parution. Donc ça sera dans le Monde du 20-21 juillet 2002. Et parce qu'il sait qu'à ce moment-là, c'est 2 mois après, Sophie doit le rejoindre en fait en vacances à l'île de Ré, où il est avec sa famille. Et il a vraiment planifié ce moment-là. Il a complètement planifié pour 2 mois à l'avance. Dans le train qui il a même choisi ses billets de train de telle manière qu'elle puisse, en se demandant un petit peu à la gare ce qu'elle va pouvoir lire, qu'elle achète Le Monde, donc qui paraît effectivement à 13h à Paris, et que de manière un petit peu complètement par hasard, elle tombe sur cette nouvelle qui s'adresse explicitement à elle et qui est intégralement reproduite dans un roman russe. C'est, il le reconnaît. Alors, ce qui est très intéressant dans un roman russe, c'est qu'il nous dit la page d'avant dans un tout petit paragraphe que cette nouvelle a été un désastre et a eu des conséquences absolument atroces. Donc, on a cet élément comme ça de suspens terrible. On se dit, mais que va-t-il se passer? Et on lit juste après. Et là, c'est vraiment une rupture. On est tout de suite dans la nouvelle et en la lisant. Et effectivement, on se dit, ce n'est pas possible. Enfin, moi, en tant que lectrice, je me suis dit, là, il va se passer quelque chose. Donc, ce qui est aussi intéressant du point de vue romanesque pur, c'est que on travaille directement sur la vie réelle et on fabrique une vie qui est une vie romanesque. Et c'est ça, finalement, le but performatif de cette nouvelle, et peut-être bien souvent le but d'Emmanuel Carrère en tant qu'écrivain. Oui, il emploie effectivement cet adjectif performatif. Il dit que là, il a voulu une littérature performative, c'est-à-dire, et Sophie le lui reprochera à la fin, elle lui dira « Tu as voulu que je devienne un personnage de roman, je n'ai pas voulu. » Donc un objet. Oui, un objet, quelqu'un qu'on contrôle, on peut décider qu'effectivement les personnages, on les regarde évoluer sous la plume, mais malgré tout, et qu'on ne sait pas tellement où ils vont, on a beaucoup tous les... On essaie toujours de savoir ce qui est un petit peu dans le laboratoire, je veux dire, ce moment pur de la création qui reste un moment toujours très étonnant chez tous les écrivains, mais là, d'une certaine manière, il décide de donner forme au réel. C'est-à-dire que là, il se prend pour un démiurge, qui va tout contrôler. Il emploie cette expression en anglais de « control freak », qui, d'une certaine manière, en bonne obsessionnelle, se met à tout planifier. Il tient absolument, il a pris les billets, elle va lire ça. Et effectivement, elle va échapper à ce déterminisme ici. La littérature ne donne pas forme au réel. C'est l'inverse qui va se passer. C'est donc une réflexion, évidemment, aussi sur la littérature. On en parlera, Nathalie Frolov, en seconde partie de cette émission, juste après la chronique dans Compagnie des revues. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec aujourd'hui rien moins que le directeur de la Nouvelle Revue Française, Michel Crépu, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu écouter attentivement parler Nathalie Frolov. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur Emmanuel Carrère par exemple? Un petit grain polémique. Ah oui. Pour continuer d'être russe, j'avoue j'ai absolument jamais rien compris à cette histoire de roman russe de Carrère. Étant moi-même un gros lecteur. On vient de vous l'expliquer pendant une demi-heure. Oui, mais j'ai toujours pas. Je me souviens, je peux pas m'empêcher de me souvenir que Dostoïevski a traduit le Père Goriot et que l'ambition littéraire de Dostoïevski, c'était de faire comme un écrivain français, un grand écrivain français, Balzac en l'occurrence. Et donc, ce qu'on vient de dire là est tout à fait excitant, tout à fait passionnant, excitant dans tous les sens du terme d'ailleurs. Vous aviez acheté Le Monde, vous, en 2002. Non, mais j'ai lu, naturellement. Évidemment. Mais on pourrait aussi bien parler de Pérec. On pourrait parler d'écrivains de la combinatoire et de la intertextualité, telle que Carrère en joue avec une maestria incontestable. Donc j'aime évidemment beaucoup. Mais je dois dire, en même temps, que je ne vois pas en quoi tout cela concerne finalement, au premier chef, la russité du roman. Oui, c'est un roman français. C'est un roman français. À la fin. Peut-être que le roman français, c'est le roman qui n'arrive pas à être russe, ou le roman russe n'arrive pas à être français. Alors, je ne sais pas. Et la Nouvelle Revue française, je ne sais pas si elle a des accents russes parfois. En tous les cas, on peut y lire un certain nombre de choses très intéressantes dans le numéro 629, comme par exemple un long papier assez amusant de Frédéric Becbédé intitulé Les 11 règles de base pour réussir dans l'audiovisuel. Oui, j'aime beaucoup Frédéric Becbédé parce que c'est un des rares moralistes de notre époque à être joyeux. Les autres sont des ronchons qui ne sont contents de rien, tout va à la décadence, etc. Il n'y a que lui qui apporte une espèce de fantaisie et qui n'a pas la prétention d'ailleurs de plus. Enfin, et personne ne songe à comparer Becbédé à Tolstoï. Mais voilà, il y a quelque chose de réjouissant, moi qui me fait du bien, et donc je suis content de publier dans la NRF. Alors par exemple, on y apprend qu'il vaut mieux pour avoir du succès dans l'audiovisuel, il vaut mieux avoir une piètre estime de soi, parce que comme ça, on fait plus d'efforts pour plaire quand on est à la télévision. Il faut pas s'aimer, quoi, pour être bon à la télé. Oui, c'est très évangélique, en fait, finalement. Ouais, il est également question. S'aimer soi-même. Oui, oui, oui. Question de sueur, parce que Frédéric Becbédé nous explique que le secret de la longévité d'Ardisson, c'est d'avoir en permanence un ventilateur dirigé sur lui, parce qu'il fait très chaud dans les studios de télévision. De voir filmer clandestinement le radiateur de Thierry Ardisson. Mais non, tout ça figurera un jour dans de futures causeries du lundi, où comme Sainte-Beuve faisait des portraits d'obscurs ministres dont on a perdu absolument le souvenir. Frédéric Becbédé sera aussi comme ça, portraituré par un Sainte-Beuve du 23e siècle, et ce sera très drôle. Alors également dans la NRF, un texte de Grégoire Bouillet intitulé « Loving Rugby », entre parenthèses, un cas de disparition. Oui, alors là c'est aussi un texte tout à fait différent de ce que nous venons d'évoquer. Grégoire Bouillet a en réalité une passion incroyable pour le rugby. Et ce texte, en fait, est la description d'un match tout à fait étonnant. Et Bouillet en fait un objet littéraire digne d'un commentaire, comme s'il s'agissait de sciences occultes ou de choses qui sont très loin des terrains de rugby, oui, habituellement. Comme par exemple la ville de Paris, évoquée largement dans le texte de Pauline Pérignon, celui-là, peut-être oui, un autre jour. Alors Pauline Pérignon qui a publié... un très beau livre à l'automne, Demain sera la tendresse, qui évoque la figure de son père disparu. C'est un texte, au fond, qui traite de l'irrattrapable ou de l'irrémédiable et de la forme littéraire que la consolation peut entraîner avec elle. C'est un très beau texte. Mmh. Tout cela, et bien plus encore, est à retrouver où ça, Michel ? Dans la NRF. Et voilà, à bientôt. Et nous continuons de parler de la Russie d'Emmanuel Carrère au troisième jour d'une série qui lui est consacrée. Et avant de reparler de son roman russe, un détour par un autre de ses livres russes, Limonov, dont il parlait à Alain Weinstein, c'était le 29 septembre 2011. Il s'est passé un an au cours duquel j'ai écrit mon livre précédent, D'autre vie que la mienne. Et puis, une fois ce livre terminé, paru, j'ai quand même remis le nez dans l'assez important travail qui avait été déjà fait sur Limonov. Et je dis pas que ça me paraissait beaucoup plus ragoûtant sa position, son attitude à Sarajevo, mais je me suis dit quand même, c'est terriblement intéressant cette histoire. C'est terriblement intéressant. Et puis c'est... Alors là, il y a un truc, c'est... je sais pas comment... Enfin, c'est très simple à dire. C'est terriblement... excitant à raconter. Enfin, il y a une espèce de plaisir de narration, plaisir d'avancer, plaisir de même feuilletonesque, un plaisir, je dirais, romanesque, très très au premier degré, qui ne m'était pas très familier, qui n'est pas absolument ma boutique, quoi, si je peux dire, ni le je dirais les influences littéraires sous les auspices desquels j'ai grandi. Mais il y avait une espèce de plaisir à feuilletonner, à raconter l'histoire de cette espèce d'invraisemblable héros, encore une fois, de romans d'aventure, ou aussi, ça doit être, je pense, une partie du plaisir qui animait les gens qui écrivaient des romans picaresques, qu'on appelait des romans picaresques, c'est-à-dire vraiment le truc où on projette dans le monde et dans le vaste monde un héros à la fois très énergique, sans scrupules, un peu un sale type, mais quand même un sale gamin aussi, avec ce que ça a d'attachant, et on le suit, et il y a quelque chose de jouissif quoi là-dedans, ça c'est vrai. Et je dirais que j'ai une grande reconnaissance à Limonov de m'avoir donné l'occasion d'écrire un livre comme ça, parce que c'est pas un livre que j'aurais su écrire tout seul. Je veux dire, je l'aurais pas inventé, ce personnage, j'aurais pas su, c'est pas dans mes ressources, alors que lui, sa vie m'offrait sur un plateau l'occasion de raconter ça. Pelimonov, c'est évidemment un roman russe aussi, Nathalie Frolov. Oui, c'est son, je dirais, son second roman russe. C'était de cette manière-là, en fait, qu'il me l'avait dédicacé juste après le colloque, en fait. Et Limonov, s'il choisit d'écrire sur lui, après cette césure très importante, tout de même, je trouve, que représente D'autres vies que la mienne, qui est vraiment... Pourquoi un livre très importante? Parce que là, par rapport à un roman russe, où il le dit lui-même, il y a des aspects très nombrilistes, narcissiques, il est enfermé complètement en lui-même, mm-hmm. Il le reconnaît, il va se décentrer. En même temps, dans le titre, il y a « mienne ». Oui, donc c'est un décentrement qui est quand même relatif. Certes, mais c'est parce qu'il se met là dans une position de témoin, plus véritablement qu'au premier plan. Je trouve que là, il se met à côté. Malgré tout, il y a d'autres vies, mm-hmm. d'abord. Et dans ces autres vies, il y en a effectivement plusieurs. Il y a les deux Juliettes, il y a ce personnage aussi extraordinaire qu'est Étienne Rigal, il y a le mari, il y a Hélène, sa femme. Bon, il y a vraiment beaucoup d'autres personnages. Il est complètement décentré, il raconte des tragédies en témoin, et je dirais sur un mode presque mineur, à tous les sens du terme aussi, au sens musical et pathétique. Et là, avec Limonov, c'est autre chose. Limonov, c'est, il le dit lui-même, un personnage de roman qui veut justement vivre sa vie comme un roman. Il veut faire de sa vie une aventure esthétique, si on reprend les catégories de Jean Kelevitch. Il veut vraiment construire son but, quel qu'il soit, c'est vraiment d'arriver à être célèbre, reconnu, de quelle que soit la manière. Qu'il soit écrivain, il se définit lui-même comme un poète soldat, puisqu'il écrit, et il écrit uniquement vraiment sur sa vie. Et ce livre est une enquête sur Limonov. C'est une sorte, il le dit à la fin, c'est une biographie. Il n'est ici que le biographe. Il y a un paragraphe, un chapitre qui est très intéressant, qui est en plein milieu, où il essaie de se dire lui-même que faisait-il au moment où Limonov arrive en France. Et il raconte que c'est le moment où lui-même rentre de sa coopération, où il a été à Surabaya en Indonésie, et où il est revenu avec son petit roman de celui qui est parti en coopération, c'était très à la mode à l'époque, comme il le dit. Et puis il revient surtout avec, je ne sais plus, 5000 maillots de bain qu'il essaie de vendre et qu'il donne à toutes les jeunes filles qu'il rencontre. Bon, et puis finalement, il ne sait même plus comment il s'en est débarrassé. Il parle de cela pour montrer ce que lui-même, la manière dont lui-même vivait, alors que Limonov arrivait en France et va être un peu la coqueluche de Paris, je dirais. Et vous dites que ce roman russe, c'est en vérité un roman français qui parle de ce qu'est être russe sans lettres, c'est-à-dire de la situation d'Emmanuel Carrère, qui est russe sans lettres. Oui, c'est-à-dire que il est fasciné, bien sûr, par la Russie. Dans un roman russe, d'une certaine manière, il va créer. C'est-à-dire qu'il va lui-même créer en fait l'aventure en quelque sorte. Ce qui est assez terrible, et il le reconnaît, c'est qu'aussi bien, je dirais, la nouvelle, l'usage du monde, que surtout le personnage qui va être le personnage le plus important de son film Retour à Kotelnitch, Anya. C'est parce que et cette histoire d'amour va se finir de manière catastrophique, et surtout que ce personnage d'Anya, qui était une jeune femme qu'il avait rencontrée, qu'il trouvait très romanesque, qu'il pensait être une sorte de Mata Hari, un petit peu, elle est mariée, enfin elle n'est pas encore mariée quand il la rencontre la première fois à Kotelnitch, mais à un homme qui s'appelle Sacha, qui travaille au FSB, donc l'ancien KGB. Et effectivement, il trouve ce couple, il parle d'une aura romanesque, il décide d'écrire leur histoire. Et malheureusement, de manière absolument atroce, cette jeune femme va être assassinée à la hache avec son jeune bébé de 5 mois. Mmh. Et il l'apprend puisque son mari, Sacha, téléphone en fait à l'interprète et prévient, et qui lui-même va prévenir ensuite Emmanuel Carrère. Et ils vont repartir. Et là, il se rend compte avec horreur qu'il voulait à tout prix que quelque chose arrive en fait dans son documentaire, dans son film. Et quelque chose arrive. Donc, c'est terrible. Mm-hmm. De la même manière qu'en publiant cette nouvelle L'usage du monde, il voulait une scène de reconnaissance, il voulait une scène d'amour extraordinaire, qu'ensuite il pourrait en faire un immense roman d'amour fabuleux, et c'est tout le contraire qui arrive. Et on sait que Truman Capote, que Carrère aime beaucoup, avait choisi comme épitaphe au début de son roman « Prières exaucées », la phrase de Thérèse d'Avila, « Méfie-toi de ce que tu souhaites, car tu pourrais bien l'obtenir ». C'est exactement ce qui arrive. C'est cela, parce qu'en fait, il est dépassé complètement par la réalité. Il souhaitait. Il y a même des passages où il explique qu'il s'ennuie terriblement à Kotelnitch, il ne sait plus quoi filmer, puisqu'il y va, il y retourne avec une deuxième équipe, l'un n'étant plus libre et l'autre, il explique, en fait, est foudroyé par un cancer. Et donc, il retourne avec une autre équipe et là... Pour le coup, le caméraman Philippe trouve quand même qu'il faudrait un sujet. Voilà, c'est le problème. Il n'y a pas de sujet pour ce film Retour à Kotelnitch. Et le sujet devrait surgir. Donc, il parle à quel point il a l'impression presque d'être mort. Il n'y a pas de sujet. Il imagine même un moment, et il le filme, être sur un banc, passer toute la journée sur un banc et voir ce qui se passe. Filmé à hauteur d'yeux sans bouger la caméra. Exactement. Après, il est d'accord pour bouger un peu la caméra. Oui, c'est vraiment un happening. C'est un dispositif qui a pu être utilisé en photographie aussi, hein, ou en vidéo. On va filmer un endroit. Ça a été fait à New York, par exemple. On va filmer, voilà, le banc et on regarde qui vient sur ce banc, comme si c'était des fragments de vie qui pouvaient s'exprimer ainsi. Donc il joue ce jeu-là et c'est la dernière fois en fait qu'il va filmer Anya avec son jeune bébé. Et ce sont des scènes très touchantes dans le film qui, à l'inverse d'un roman russe, commence par l'annonce de la mort d'Anya. Mmh. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu à Limonov pour écouter ce portrait qu'il fait du personnage de Limonov. Depuis combien de temps n'avais-je pas pensé à lui? Je l'avais connu au début des années 80, quand il s'était installé à Paris, auréolé par le succès de son roman à scandale, le poète russe préfère les grands nègres. Il y racontait la vie misérable et superbe qu'il avait menée à New York après avoir émigré d'Union soviétique. Petit boulot, survie au jour le jour dans un hôtel sordide et parfois dans la rue, coucherie hétéro et homosexuelle, cuites, rapines et bagarres, cela pouvait faire penser, pour la violence et la rage, à la dérive urbaine de Robert De Niro dans Taxi Driver, pour l'élan vital au roman de Henri Miller, dont Limonov avait le cuir coriace et la placidité de cannibale. Ce n'était pas rien, ce livre, et son auteur, quand on le rencontrait, ne décevait pas. On était habitué, en ce temps-là, à ce que les dissidents soviétiques soient des barbus graves et mal habillés, habitant de petits appartements remplis de livres et d'icônes, où ils passaient des nuits entières à parler du salut du monde par l'orthodoxie. On se retrouvait devant un type sexy, rusé, marrant, qui avait l'air à la fois d'un marin embordé et d'une rockstar. On était en pleine vague punk, son héros revendiqué était Johnny Rotten, le leader des Sex Pistols. Il ne se gênait pas pour traiter Solzhenitsyn de vieux con. Look at there, here she comes. La compagnie des auteurs avec cet extrait de Limonov, toujours lu par l'auteur. Limonov qui est un roman évidemment sur ce personnage, mais aussi un roman sur la Russie et, dit le narrateur, sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Oui, Frolov? Alors, Limonov, c'est une biographie, c'est réel, je veux dire, mais il dit d'emblée que ce qui l'intéresse chez Limonov, personnage dont il reconnaît la complexité, mais aussi certains aspects tout à fait détestables, notamment le moment où Limonov, effectivement, participe à la guerre en ex-Yougoslavie, aux côtés des Serbes et de Radovan Karadzic, où il a été filmé ainsi par la BBC, le fusil à la main, de manière, on dirait un petit peu la fin de Gilles, de Drieu La Rochelle, enfin quelque chose d'assez terrible. Donc ce personnage en fait de Limonov est absolument fascinant. Je le disais tout à l'heure, il vit comme un personnage de roman. Son modèle, c'est le roman d'aventure, c'est Alexandre Dumas. Mmh. Et il est effectivement, il se vit tel D'Artagnan. Et comme Emmanuel Carrère lui-même aussi a les mêmes références, je dirais que court vraiment le modèle du roman d'aventure. Il parlait de roman picaresque lors de l'entretien tout à l'heure, mais je trouve que le mot d'aventure, d'aventurier, est récurrent presque à toutes les pages. Il s'agit d'être un aventurier, de vivre sa vie d'aventurier, qui va passer effectivement, où il va être même ce serviteur à Manhattan, dans un immense appartement extraordinaire avec vue sur Central Park. bon, des choses, des passages incroyables où effectivement Limonov serait comme une sorte de représentant d'un homme qui aurait traversé le siècle depuis la Seconde Guerre mondiale, avec, je dirais, ses passages obscurs, ses moments extraordinaires. Il a vécu dans plusieurs pays, des vies différentes, aimé des femmes différentes, jusqu'à aller faire la guerre, puisque tout homme, à un moment, c'est ce qu'il dit à 50 ans, ce n'est pas possible en tant qu'homme, il y a un moment, il faut que je connaisse cette expérience. Ce que dit qui alors, Emmanuel Carrère ou Limonov? Limonov considère à un moment, et lui-même se souvenait enfant qu'il admirait énormément son père, qui n'avait pas un rôle très important, je dirais, militaire, mais il se souvenait qu'avec un grand plaisir, il a stické les bottes de son père. Je dis un rôle pas très important parce qu'effectivement, son père n'a pas fait la guerre. Mmh. Il est resté à l'arrière à garder des usines d'armement et sa mère, manifestement, l'a beaucoup critiqué sur cet aspect-là. Et Limonov, à un moment, s'est rendu compte que lui, il aura besoin de faire la guerre, d'après ce qu'il dit, pour être un homme. Donc le thème de la virilité, c'est un thème qui se retrouve souvent chez Emmanuel Carrère? Je ne sais pas si c'est très courant, en tout cas c'est propre à la société patriarcale russe, très nettement. Je veux dire, là on sent cet aspect-là. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve, je ne pense pas que ce soit aussi présent, mais Limonov se revendique vraiment, il y a vraiment cet aspect viril, effectivement, plus que masculin. This. Never thought I'd do this before. Woo! But here I am, I'm knocking on her door. My car's out front, gonna need to mine. It's a 41 job, not a 59. I got that girl, and I'm thinking to myself. She sure fine looking, man. Well, she's something else. Vous parlez de la question du merveilleux. Alors, vous n'en parlez pas. Peut-être pas pour Limonov, vous en parlez sûrement davantage pour ses autres livres et en particulier un roman russe. C'est quoi l'irruption du merveilleux dans ces récits qui se revendiquent comme des récits du réel? Il y a un vrai plaisir à raconter. On sent toute une série dans Limonov tout de même, ce plaisir de la fable. Vraiment, d'une certaine manière, c'est comme d'une certaine manière ici, le réel est plus intéressant que la fiction et permet de raconter une série d'histoires. C'est pour cela qu'il se laisse emporter, je d'ailleurs, dirais. Tout le travail d'Emmanuel Carrère, c'est justement de transformer le réel en fiction pour le rendre plus intéressant. Oui, alors je ne sais pas s'il le transforme en fiction parce qu'il dit bien que tout ce qui est arrivé est vraiment arrivé, mais il s'appuie les techniques, les méthodes de la fiction. Voilà, il s'appuie sur effectivement tous les récits de Limonov, mais il y a un plaisir à raconter. On a l'impression un petit peu que c'est Scheherazade ici qui enchaîne les histoires parce que Limonov serait comme un personnage des Mille et Une Nuits ou plusieurs personnages à la fois. Il est lui-même multiple, il a vécu plusieurs vies, je dirais d'une certaine manière. Ce n'est pas tellement qu'il a toujours rebondi, qu'il s'en est toujours sorti, parce que finalement il n'a jamais été au bon endroit non plus, d'une certaine manière. Il n'a jamais été là où il faut, là où on sait où on est, comme disait Étienne Rigal. Mais il a toujours rebondi, il vit des choses incroyables, et ces choses incroyables, il faut les raconter, c'est un plaisir. Et puis, le merveilleux dans un roman russe qui confine au fantastique, c'est cette histoire de la moustache du grand-père. Oui, c'est un moment assez extraordinaire où, effectivement, donc la mère d'Emmanuel Carrère se rend compte qu'il risque d'écrire sur son propre père. Elle en a très peur de ce secret de famille. Il dit que ce n'est pas vraiment, en fait, un mensonge, mais que c'était du déni de sa part. Et puis, à un moment, elle lui raconte, effectivement, sa dernière entrevue, où elle était en vacances avec sa mère et son frère, le dernier moment où, à 15 ans, elle voit son père qui vient leur dire au revoir, je crois qu'ils sont dans le bassin d'Arcachon. Il vient leur dire au revoir, elle dit qu'elle ne l'a pas reconnu parce qu'il avait rasé sa moustache, qu'il avait toujours portée. Et il y a ce discours incroyable, ce dialogue incroyable entre Emmanuel Carrère et sa mère, et qui lui dit, mais enfin, maman, cette moustache. Elle lui dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, cette moustache? Mais cette moustache, quand même. Et là, il lui dit, mais enfin, j'ai écrit un livre qui s'appelle La moustache. Bon. En effet, en 86, où il était passé à apostrophe, c'était une émission assez étonnante. Et là, il dit, oh oui, enfin bon, tu vas trop chez le psy. Voilà, hein, c'est là, franchement, il n'y a pas d'inconscient. Il se dit, mais si, il y a bien de l'inconscient. Parce que c'est un peu la même histoire que raconte Emmanuel Carrère dans son livre, sans évidemment avoir eu la connaissance de l'histoire de la moustache Oui, où la moustache disparaît du jour au lendemain, de même qu'on disparaît. Le grand-père a disparu. Merci beaucoup, Nathalie Frolov. Votre article sur un roman russe apparu dans l'ouvrage collectif Emmanuel Carrère, Le point de vue de l'adversaire, aux presses Sorbonne Nouvelle. Et puis demain, c'est le dernier moment de notre série consacrée à l'auteur de l'adversaire. Nous parlerons de son rapport à la religion, lui qui a connu une crise mystique de plusieurs années, qu'il raconte justement dans Le Royaume. On en parlera donc demain. Ce sera avec Frédéric Boyer et avec Alain Romestin. Tout de suite, c'est la poésie. On retrouve Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour la compagnie des auteurs. Troisième jour, ou comment, sans remords, moi le cul, nous sommes passés de l'ardeur à la contestation. C'est que nous suivions Chino en 68, Christian Prigent, sur ses pistes du souvenir. Les bons sentiments révolutionnaires, même teintés d'une indignation morale authentique, et d'une aspiration sincère à la liberté, quand on se mêle de leur donner la forme du poème, donne rarement une poésie révolutionnaire. Les événements de mai 68 en sont une nouvelle et éclatante confirmation, écrit-il dans L'art poétique, qu'il faut lire, L-A-R-D, le l'art poétique. À propos de la poésie en mai 68, il l'a sans doute écrit l'année d'après, peut-être pour la revue TXT qui se crée émanation de 68. Après coup, la poésie est venue après 68, ou alors avant, comme le disait Jacques Prévert, à cause des événements de mai 68 en France, le téléphone ne marchait déjà plus les années d'avant. Il faut bien dire, même si une certaine sympathie pourrait paraître de rigueur, que la grande majorité de ces poèmes de 68, présentés comme l'âme collective d'un monde en tourmente, rend un bien mauvais service et à la révolution de mai qui semble y sombrer dans le pire des romantismes, comme dans ce poème tract, « Toi que j'ignorais, derrière les turbulences, toi, jugulé, apeuré, asphyxié, viens, parle-nous ». Et à la poésie qui aurait davantage besoin d'accomplir sa révolution, la révolution de la poésie. Autre mot de Christian Prigent, dépit, désolation, colère, c'est pour l'essentiel de la ressucée de surréalisme libertaire, des aragonnades tambourineuses. Est-ce mon pays, à tâtons dans l'étincelle des flammes, vieilles images, rythmes usés, des niaiseries chansonnières, des poncifs humanistes, des refrains de patronage gauchiste. Oh, c'est réjouissant ces colères. Cette poésie, loin d'être en avant comme le voulait Rimbaud, non seulement ne rythme pas une action révolutionnaire qui marche autrement plus vite qu'elle, mais encore elle se contente de balbutier à la traîne des clichés littéraires les plus vieillis. Question, comment échapper à la vieillerie poétique? Question qui revient sur les tables et sur les tablettes aujourd'hui. Les années d'avant 68, j'écrivais beaucoup de grandes machineries protestataires, dit Christian Prigent. Cela tient au choc que fut pour nous, pour moi, Allen Ginsberg. Mot d'Alain Jouffroy, la poésie doit combattre sans équivoque le monde dans lequel elle se situe. Elle a toujours à s'arracher de la vieillerie poétique pour trouver sa langue, sa force et exaspération rythmique, climat sonore, violence hétéroclite et barbare, expressivité incorporée et vocalisée, symbolisation de la part maudite. Et un poème de Christian Prigent pour conclure, « Femme, la lavande des serviettes qui sent ton cou, qu'elle te soit douce, femme croisée, sacrée rousse ». Voilà le mot lâché, femme croisée, sacrée trompette, et l'eau qui vèle, le ciel qui poivre, tout ça qui ronge, ça fait beau temps quand tu déplies tes sacrées hanches. Et ça rutile, donc. Ça, c'est tiré de La belle journée. Merci Jacques Bonnafé, vous nous lisiez donc des textes de Christian Prigent sur le thème de l'ardeur.